2 Pierre, chapitre 1. Qu'est-ce qui rendait Samson plus fort que ses ennemis? Les enfants vont répondre, ses cheveux. On est très, c'est très bien, on est assez vieux pour savoir qu'il n'y a pas grand... Les cheveux, c'est des tissus morts. Fait qu'il n'y a rien à faire avec ça. Donc, qu'est-ce qui le rendait vraiment fort, plus fort que les autres? Et donc, c'était quoi, finalement? C'était Dieu hein, qui le rendait plus fort. Et qu'est-ce qui a rendu David plus fort que Goliath? Qu'est-ce qu'il y avait la différence entre David et ses frères, ou David et le restant du peuple? Pourquoi était... Sa confiance. Sa confiance venait de où? Il n'était pas né avec. Sa confiance, on ne vient pas au monde avec la foi, avec la confiance. Donc, comment a-t-il acquéri cette confiance-là en Dieu pour pouvoir regarder un homme qui était deux ou trois fois sa grosseur? Hein? Ben, il l'avait expérimenté, probablement. Il avait sûrement fait appel à Dieu quand il gardait son troupeau et qu'il arrivait des donc, malheurs. Il a acquis une certaine connaissance, soit d'une façon par expérience ou par connaissance, ou les deux en même temps. Mais il a acquis une connaissance que les autres n'avaient pas. Il savait que il était capable de battre Goliath, malgré que Goliath était un homme beaucoup plus grand, beaucoup plus fort que lui, beaucoup plus acquéri au niveau de la guerre que lui. Il savait qu'il était capable de le battre à cause de la connaissance qu'il avait de Dieu. Peu importe comment il avait acquis la connaissance, c'est pas ça qui est le plus important, mais il avait la connaissance. Souvent, on a tendance à croire que ça venait comme... comme on dit en anglais, overnight, ou ben non, il s'est couché le soir, il n'était pas confiant, puis s'est levé le matin, puis il était confiant. Mm-hmm. Ça ne marche pas comme ça. Souvent, dans nos prières, sans qu'on le dise, on pense que c'est comme ça. On va prier, Seigneur, donne-moi de la foi, puis on pense que le même matin, on va l'avoir. Ça ne fonctionne pas comme ça, en tout cas pas dans mon expérience personnelle. Il y a des choses à faire hein, pour que cette confiance grandisse dans la personne de Dieu. Et on a, en tout cas, j'ai tendance à regarder ma relation avec Dieu comme toutes les relations humaines que nous avons. Mais dans la perfection avec Dieu, c'est une autre sorte. C'est une relation parfaite à cause de lui. Mais c'est une relation tout de même. La vie chrétienne, c'est une relation. C'est juste ça. C'est pas autre chose que ça. C'est une relation avec une personne. C'est pas des cérémonies, c'est pas des heures à l'église, c'est pas des actes qu'on fait, c'est une relation qu'on a avec une personne. Et les relations humaines grandissent en confiance autant que nous avons la connaissance de la personne, positive ou négative. Je peux perdre confiance comme je peux acquérir confiance dans mon expérience avec la personne. Donc, et c'est là que ça se joue. Cette connaissance-là que nous avons de la personne. Et les chrétiens, eux autres, vont acquérir la force commun. Comment vont-ils devenir de plus en plus forts spirituellement? Comme il y en a qui vont dire que c'est par le Saint-Esprit. Donc, ils s'assoient et attendent que le Saint-Esprit fasse quoi? Beaucoup de chrétiens vont prier, « Seigneur, remplis-moi ton esprit », puis ils ont l'impression que Dieu va faire de quoi, là? Comme ça, là. Une fois, j'ai déjà demandé à un chrétien qui avait prié pour moi, j'étais pour prêcher, le Seigneur, remplis-moi ça de ton esprit. Je suis allé voir après l'union, j'ai demandé, qu'est-ce que tu t'attendais à ce que cet esprit fasse? C'est quoi tu pensais quand tu as dit ça, là? Seigneur, remplis-moi ton esprit pour que tu prêches. Tu t'attendais à quoi, là, qu'il fasse cet esprit? Là? Qu'il change mon sermon sur mes feuilles? Qu'il était pour tout d'un coup, je fais de quoi spécial? Qu'est-ce que tu t'attendais à ce qu'il était pour faire à ce moment-là précis, là, dans les minutes qu'il t'a poursuivi? Parce que là, pour prêcher dans les secondes même qu'il t'a poursuivi ta prière. Il ne savait pas. Il dit, ben, on a toujours dit ça, on a toujours entendu ça. Il ne savait pas vraiment comment il était pour savoir si le Saint-Esprit avait, si Dieu avait répondu à sa prière. À la fin de mon sermon, il pouvait-tu dire, Seigneur, merci d'avoir rempli ton esprit. Il ne pouvait pas dire ça. Il ne savait pas. Il ne pouvait pas savoir comment est-ce que ça va se faire, comment est-ce que je peux savoir si Dieu a répondu à ma prière. Donc, souvent, on croit, comme j'ai déjà dit, que la prière, c'est une forme de baguette magique, ça se passe de même. Et souvent, on est induit dans cette direction-là à cause qu'on a vu dans les Écritures des miracles, dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, on a vu des miracles qui sont instantanés. On a l'impression que ça se passe de même aussi dans notre vie chrétienne, que instantanément, Dieu va faire quelque chose. Et souvent, c'est pour ça que beaucoup de chrétiens vont prier, puis ils n'auront pas de réponse comme ils pensent que ça devrait être, puis là, ils se découragent, ils ne comprennent pas. Ce soir, ce qu'on va voir, c'est que l'apôtre Paul va parler, pas l'apôtre Paul, mais Pierre, va parler que les chrétiens doivent être affermis, doivent être rendus plus fermes, plus forts dans leur foi. Parce que Pierre voit venir un danger, on va dire un ours ou un lion spirituel, et il veut les rendre plus forts. Donc, il va faire de quoi pour ça? Il va tenter quelque chose avec ça. Il ne peut pas les forcer, mais il va leur donner des outils pour les rendre plus forts. Donc, c'est pas que Pierre va dire, « Oh, ils sont faibles là-bas, je vois qu'ils sont faibles, je vais prier, puis ça va faire de quoi? » Non, lui, il fait de quoi? Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas d'intervention. Dieu va faire ce qu'il a à faire, il fait toujours ce qu'il a à faire. Mais nous, il faut faire notre cheminement spirituel, nos étapes pour que Dieu puisse nous fortifier. Je vais vous lire quelques textes que vous n'avez pas dans votre Bible, vous l'avez dans votre Bible, mais on ne tournera pas à tous les versets que je vais lire. Mais je vais les nommer et je vais les lire pour le bien-être de ceux qui écoutent. Dans Actes 9, verset 22, « Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. » Donc, Saul, qui était Paul, se fortifiait. C'était quelque chose de continu. Il se fortifiait. Comment se fortifiait-il? Comment est-ce que ça se passait dans sa vie pour qu'il se fortifie? Dans Acte 14, verset 22, « Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc, ces hommes fortifiaient les chrétiens. Comment faisaient-ils cela? Comment les rendaient-ils plus forts dans leur foi? Ça, on parle de Silas et de Paul ici. Dans Actes 15, 32, Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent, je vais donner la réponse, par plusieurs discours. Donc, ils ont fortifié les chrétiens en leur adressant des enseignements. C'est comme ça qu'ils fortifiaient. Et Paul se fortifiait parce qu'il comprenait des choses de plus en plus. Il apprenait des vérités. Soit que Paul ait eu un certain privilège que nous n'avons pas, Jésus y apparaissait et il disait des vérités. Des fois, c'est d'autres façons. Les apôtres ont eu des privilèges que nous, on n'a pas en tant que chrétiens, d'une façon dans l'Église. Les apôtres ont eu des privilèges. Acte 15, 41, « Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. » Donc, Paul allait d'église en église et il fortifiait les églises en les enseignant. En enseignant, il fortifiait les églises. Dans Acte 16, verset 5, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Donc, et si on lirait la chose, c'est que les apôtres se promenaient et ils prêchaient et l'église se fortifiait. C'est toujours relié à l'instruction. On ne peut pas fortifier un croyant sans l'enseigner. La forme d'enseignement, pas important. Ça va jouer avec les générations, ça va jouer avec la personnalité, avec le caractère, avec les possibilités qu'il y a dans notre génération. Mais il n'y avait pas d'autre moyen pour fortifier les croyants que de les instruire. Il n'y a pas d'autre moyen. Et lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie, la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Et ce qu'il faisait, ce qu'il enseignait d'une église à l'autre, d'un groupe à l'autre. Et on voit qu'il a passé à Éphèse, il est resté là pendant 2 ans et il a fortifié l'église d'Éphèse pendant ce temps-là. Il n'y a pas d'autre façon dans les Écritures de fortifier les croyants. Je sais qu'il y a un rôle en arrière, puis cet esprit va agir. Cet esprit va agir. Il fait comprendre. Il est clair. Il applique. Mais cet esprit ne bougera pas tant qu'il n'y aura pas d'instruction donnée. Comme cet esprit ne sauvera pas les gens si la parole de Dieu n'est pas prêchée. Je ne peux pas prier, Seigneur, sauve les gens de mon tremblant, pour rester ici à la maison. Ça ne se fait pas comme ça. Si vous n'allez pas parler, quelqu'un d'autre, faut faire qu'il y aille. Parce que c'est par la prédication de l'Évangile qu'ils vont comprendre. Mais quand l'Évangile est proclamé, là, c'est l'Esprit qui peut agir dans le cœur. Oh, il est à l'œuvre en moi pour que je prêche, il est à l'œuvre dans l'autre pour qu'ils comprennent. Mais il y a cette prédication-là, il faut qu'il soit faite. Tu n'as pas le choix. Et dans l'Église, c'est le même procédé. Dans 1 Pierre, là, si vous êtes là dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 12, regardez ce que Pierre va dire. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Les choses qu'il avait dites du verset 1 au verset 12, au verset 11. Bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente, je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Donc, Pierre veut les fortifier, veut les affermir, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur rappeler. Il va leur dire, même s'ils le savent déjà, il va leur dire. Puis il dit au verset 15, « Mais j'aurai soin après mon départ que vous puissiez toujours vous souvenir de ce que j'ai dit. » Donc, il va écrire. Il va écrire, on va voir ça là. On peut enseigner par écrire quelque chose à quelqu'un. Les épîtres, c'est quoi? C'est des instructions. Donc, c'est des enseignements écrits. Et l'apôtre Pierre sait très bien que sans ça, ils sont faits. Et c'est comme ça. Je parlais cette semaine avec un chrétien, puis il disait, tu n'as pas le choix, c'est de la répétition. L'instruction, c'est de la répétition. C'est de la répétition, c'est de la répétition, c'est de la répétition. C'est à force de répéter aux enfants pendant 18 ans certaines choses qu'on espère qu'ils vont rester gravées dans leur tête le restant de leur vie. Des fois, il y a certaines choses qu'on aimerait les enlever, qu'on a gravées, que c'est peut-être pas bon. On aimerait les enlever, mais c'est déjà gravé. Donc, c'est l'instruction, c'est ce qu'on fait aussi avec nos enfants. On instruit dans toutes sortes de domaines de la vie. Donc, Pierre va... leur parler de cette instruction, de cette connaissance qu'ils ont besoin d'avoir. Et on va voir ce soir que quand il parle de connaissance, il ne parle pas de n'importe quelle sorte de connaissance, mais il parle d'une connaissance très spéciale, c'est la connaissance des Écritures, la connaissance de Dieu ou de Jésus-Christ. Il y a toutes sortes de connaissances qu'on peut acquérir qui vont nous fortifier dans différents domaines. On peut apprendre du côté médical, du côté horticulture, on peut apprendre du côté de toutes sortes de choses qui vont nous fortifier dans le domaine qu'on est en train d'apprendre. On va en savoir plus et on va être plus capable de faire face à ce qui s'en vient dans ce domaine-là précis. Et dans les Écritures, c'est la même chose. Donc, si on veut être fort spirituellement, on n'a pas le choix, hein? Il faut aller chercher de l'instruction spirituelle. On n'a pas choisi. On ne peut pas aller chercher de l'instruction en français. Ça ne va pas nous donner vraiment ce qu'on a besoin. Ça peut m'aider à mieux lire ma Bible puis à mieux comprendre. Ça peut faire ça. Mais si je fais juste un cours de français puis je ne lis pas ma Bible après, ça ne m'aidera pas beaucoup. Pas beaucoup dans ce sens-là. Donc, il y a des choses qu'il faut faire. C'est qu'il faut s'exposer à l'enseignement, et on va voir tout à l'heure, c'est ça que Pierre va leur parler, de cette instruction qu'on a besoin d'avoir, mais pas n'importe quelle instruction, mais une instruction, c'est pour que des fois, quand on parle des gens qui sortent de l'université, ou des gens qui sortent, qui ont des bacs, qui ont des doctorats, sont des enseignants au niveau social, public, ils deviennent chrétiens, ils ne sont pas enseignants dans l'Église pour autant, même s'ils ont été enseignants toute leur vie. Ils n'ont pas étudié la matière qu'on enseigne, nous autres, dans les églises. Donc, et peut-être qu'ils ont une capacité d'enseigner, mais il va falloir qu'ils assimilent avant l'information pour eux-mêmes et la transmettent dans ce sens-là, s'ils veulent devenir des enseignants. Mais il y a cette forme d'instruction-là. Je vais vous lire d'autres versets, si vous voulez bien. dans d'autres, pas dans 1 Pierre, d'autres choses, juste pour qu'on voit le même principe dans le Nouveau Testament. Lorsque le temps où il devait être enlevé dans le monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Prendre la résolution, ça veut dire d'être affermi, d'être fort. Le mot affermi, ça veut dire prendre une résolution, ça veut dire qu'il sait comme décision ferme. C'est affermi. Je pourrais dire, c'est fortifié dans la même décision qu'il avait. OK? C'est le mot affermi que je fais ressortir ça. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici à vers vous et au-delà vers nous ne puissent le faire. Donc, ce mot affermi, c'est quelque chose qui va nous rendre capables de prendre des décisions et d'y tenir à ces décisions-là. C'est quelque chose qui va nous rendre, un peu comme dans Éphésiens qui dit, ce ne serait pas des gens ballottés à tout vent et doctrine, qui vont se passer d'une affaire à l'autre, mais qui vont devenir fermes dans leur compréhension et fermes dans leurs décisions. Parce que remarquez bien que dans 2 Pierre, on va le voir dans les autres les chapitres qui s'en viennent, il y a des gens qui sont en train de les ébranler, sont en train de vouloir les faire changer de décision dans leur vie chrétienne, de compréhension. Et Pierre, ce qu'il veut faire, c'est de les affermir, qu'ils gardent, qu'ils soient fermes dans leur résolution, dans leur foi, dans leur croyance. Et il y a tant de croyants que j'ai vus dans ma vie depuis que je suis dans le ministère qui sont ébranlés. Et quand ils sont ébranlés, c'est pas tout le temps une mauvaise, un mauvais cœur dans ce sens-là, qui veulent, mais sont ébranlés parce qu'ils ne comprennent pas bien la foi qu'ils ont. Ils ne comprennent pas bien l'enseignement qu'ils veulent suivre en Jésus-Christ. Donc, ils sont ballottés, ils sont facilement mis en doute, là, ils ne croient plus, ils ont envie de lâcher, ils reviennent, parce qu'ils ont de la misère à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et c'est normal, ils sont jeunes, ils commencent dans la foi. Et c'est pour ça que l'apôtre l'auteur de Épître aux Hébreux va dire, vous devriez être des parents, et vous êtes encore des enfants. Parce que les Épîtres aux Hébreux, ils étaient en train de vouloir quitter la foi pour retourner à autre chose. Il dit, vous êtes encore des enfants. Vous devriez être des parents, d'être des gens plus fermes, plus stables, plus matures dans votre foi. Mais il dit, vous êtes encore des enfants parce que vous n'avez pas appris, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas saisi tout ce que ça implique, la foi chrétienne. Donc, on va voir dans les versets qui suivent l'apôtre ce que Pierre va dire, et on va regarder ensemble que la vraie connaissance seulement peut affermir. Je pourrais enseigner quelque chose, et les chrétiens vont passer à l'action, mais ça ne veut pas dire qu'ils passent à l'action à partir de la vérité. Ils peuvent passer à l'action à partir de ce que j'ai dit, qui est complètement un mensonge. Ils vont passer à l'action pareil. On le sait, on le fait avec nos enfants. On peut leur dire quelque chose et que ce n'est pas la vérité, ou c'est pas, même si ce n'est pas intentionnellement qu'on compte un mensonge, on leur dit, moi je l'ai fait avec mes enfants, on leur dit des choses, on pense que c'est ça qui devrait être fait, c'est ça qui est bon, c'est ça qui est vrai, on réalise à travers les années que ce n'était pas ça. Mais pourtant, ils ont passé à l'action à partir de ce qu'on a dit. Donc, c'est ça que quand on enseigne les Écritures et qu'on veut affirmer, il faut être certain que ce qu'on dit, si on veut affirmer à long terme, que ce qu'on dit vient vraiment des Écritures et non pas de ce qu'on pense ou ce qu'on imagine ou ce qu'on aimerait que ça soit, mais vraiment des Écritures. Regardez à partir du verset 16, comment est-ce que Pierre va dire ça. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Il parle de l'avènement ici. Parce qu'on va voir tout à l'heure. Il y en a qui disent que Jésus doit venir, puis il n'est pas encore venu, puis nanana, puis ils veulent ignorer le déluge. On va voir tout à l'heure. Il parle de l'avènement. L'apôtre Pierre ici dit, c'est pas à partir de fables que nous avons parlé de cela. OK? Verset 17. Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. On pense qu'il fait rapport à la transfiguration. On pense, ce n'est pas dit clairement comme ça, mais on pense que c'est ça. Au verset 19, « Et nous tenons pour autant plus certaines les paroles prophétiques à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc, Pierre, il fait référence ici, il leur dit, « Attention où vous allez chercher votre information. Attention où vous allez prendre votre information. » Hier, je parlais avec un croyant, puis il dit, « Ah, j'ai écouté une série de télévision d'un homme qui enseigne la Bible, puis il part. » Là, je me dis, « Qu'est-ce qu'il a écouté? Qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce qu'il enseigne? » Il m'a nommé, là, j'ai demandé c'est qui. Il m'a nommé un nom, je ne le connais pas. Du côté américain, je ne sais pas c'est qui. Mais en tant qu'enseignant, je me dis, qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il entend? Joseph Braca m'a appelé cette semaine, puis là, il me parlait de ce qu'il a entendu de Healthy and Wealthy. Cette histoire de Healthy and Wealthy qui est prêchée si souvent aux États-Unis. Si tu es un croyant, tu vas avoir la santé et tu vas être prospère, tu vas avoir de l'argent. Là, il veut savoir qu'est-ce que j'en pensais, parce qu'il y a un chrétien, supposément, qui a parlé de ça. Donc, il était comme, c'est ça que la Bible a dit. Puis un gars, il avait monté des versets de la Bible, fait qu'il a dit, c'est ça que la Bible. Donc, automatiquement, je me dis, qu'est-ce qu'il a entendu? Là, je ne parle pas de Joseph, l'autre chrétien que je parle. Qu'est-ce qu'il a entendu, puis qu'est-ce qu'il écoute à toutes les semaines? Donc, c'est un... Il faut faire attention. Est-ce que celui qui m'enseigne, où est-ce qu'il prend son information? Qu'est-ce qu'il me dit? Ça vient-tu de la parole de Dieu ou pas? On va se laisser à 17, il dit, « La vraie connaissance vient de Dieu seul. » La connaissance vient de Dieu seul. Elle ne vient pas des hommes, cette connaissance-là. Ce qu'on est supposé d'apprendre pour s'affermir, il faut que ça vienne de Dieu. C'est ce qui vient de Dieu. Je ne sais pas si j'avais entendu dernièrement, il semblerait qu'ils ont sorti une étude là, scientifique comme le soleil, ce n'était pas cancérigène. Cancérigène, ça ne donne pas le cancer de la peau. Bon, à qui tu te fies? À celui qui a fait la première qui disait que c'était cancérigène ou à celui le deuxième qui dit que ce n'est pas? Nous, on écrit, qui je suis moi pour savoir qui dit arrivé? Bon, la plupart des gens vont prendre celle qui lui fait plus les affaires. Bon, je vais créer la première. Bon, non, moi, je crois la deuxième, ça fait mon affaire, je peux aller me pavater n'importe où, costume de bain, puis j'ai plus besoin d'avoir peur du cancer. Mais, d'où est-ce que ça devient, cette information-là? Si on avait quelque chose dans les Écritures qui nous dirait ça, on pourrait toujours s'y fier. Dieu a dit que... Mais là, il ne l'a pas dit comme ça, fait que je ne peux pas savoir. Et ici, dans le verset 16 à 18... Il dit, ce que nous avons fait connaître, la puissance de l'avènement de Seigneur Jésus-Christ, mais comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Il dit qu'il part, verset 16, 17 et 18, il dit, ce que nous avons dit, nous l'avons entendu, mais ce que j'ai appelé dans mes notes, de la parole incarnée de Dieu, qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Dieu s'est incarné, la parole de Dieu s'est incarnée, puis elle dit des choses. L'apôtre Pierre, il dit, ce que nous vous disons, ce que nous proclamons, ce que nous avons enseigné, nous l'avons reçu de la parole de Dieu incarné, qui est Dieu. On dit, le Verbe s'est fait chair, ça veut dire la même chose, la parole s'est faite chair. Dans l'Ancien Testament, si on vous étudie un moment donné ce concept-là, quand Dieu parle dans l'Ancien Testament, on sait, par le Nouveau Testament, il parle toujours par Jésus, toujours par Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau. Comme quand Dieu fait quelque chose dans l'Ancien Testament, il le fait toujours par la puissance du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir dans l'Ancien Testament que Dieu, le Saint-Esprit a créé le monde. C'est lui la puissance. Donc, la puissance, c'est pas Dieu envoie de la puissance, c'est comme de l'énergie dans l'air, comme les témoins de Jéhovah pensent. La puissance de Dieu se promène partout, mais pas Dieu. C'est comme si Dieu envoyait un éclair, qui est de l'énergie qui descend sur la terre, qui touche les croyants. C'est pas ça, là. C'est pas de l'énergie. C'est Dieu lui-même qui est cette puissance-là. Tu peux pas avoir la puissance de Dieu sans avoir Dieu. Tu peux pas acheter une canette de puissance, puis la boire ou la manger. Tu peux pas faire ça, là. Si, la seule façon d'avoir de la force, c'est que Dieu vienne là. Tu n'as pas le choix. L'apôtre Pierre, il dit, ce que nous vous avons dit, nous l'avons reçu de Dieu le Père. Et le Fils l'avait reçu de ça. Il dit, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, et en qui j'ai mis mon affection. » Et nous avons entendu cette voix. Nous avons entendu parler. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé dans les airs. Ce n'est pas quelque chose qu'on a imaginé, comme il dit des fables. Si vous étudiez certaines religions, des fois, moi, j'appelle ça, c'est des fables habilement conçues. C'est des fables habilement conçues. Des hommes qui ont inventé une histoire. Hein? Et si vous avez déjà étudié les religions du monde, c'est des fables bien conçues. Assez bien conçues qu'il y a des milliards de gens qui finissent par les croire et qui adhèrent à ces choses-là. C'est habilement conçu. Et si nous, on en est sortis, c'est justement par la grâce de Dieu, parce que par nous-mêmes, on était aussi fous que les autres. Hein. On en souvient, nous autres aussi, d'autres fables avant. Et donc, il dit, l'apôtre Pierre, il dit, si vous voulez être affermi par la connaissance, vous devez évaluer ou vous devez chercher à savoir si ça vient de la parole incarnée, sa femme. C'est-tu la parole incarnée qui a dit ça? Si ce n'est pas la parole incarnée qui a dit ça, oubliez ça, c'est de l'hommerie. C'est juste de l'homme. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, quand ils ont décidé de changer, remplacer Judas, les critères, c'était quoi? Il faut qu'il a lui-même, le remplaçant, ait tout vu et entendu ce que Jésus avait dit et enseigné. Et de lui-même. Pour pas qu'il ait entendu quelqu'un d'autre. Il faut que lui a été témoin, à partir de Jean-Baptiste jusqu'à la résurrection, de tout ce que Jésus avait dit et entendu. Parce qu'il devait lui devenir le porte-parole. Et il devait être capable de dire comme Pierre, « J'ai entendu, j'ai vu la parole, j'ai entendu Dieu parler. J'ai entendu Jean-Baptiste dire, « J'ai vu cet esprit descendre sur lui, je l'ai vu. » Ce n'était pas des fables, ce n'était pas des choses dans les airs. C'est pas comme, comme un peu dans certains mouvements, on dit « Ah, ben là, ça vient d'où? Ben là, on a entendu ça, là. Tel pape a dit ça, ou tel prêtre a dit ça, ou tel... » D'où ça vient, toutes ces fables-là? Ça vient de l'imagination humaine. Ça vient de rêves humains, de désirs humains, de belles histoires, mais ça ne vient pas de la parole incarnée. Si la parole de Dieu le dit, alors, là, on peut dire, Jésus a dit. Jésus a dit. Comme un jour, je parlais avec un médecin, puis il dit, Jésus a dit. J'ai dit, où ça, t'as vu ça? Je t'assure que Jésus n'avait pas dit ça. Il dit, où est-ce que Jésus a dit ça? Ah, ben, j'ai toujours entendu dire ça. J'ai dit, si tu me trouves dans la Bible que Jésus a dit ça, moi, je crois. Mais je suis convaincu, tu ne trouveras jamais dans la Bible que Jésus a dit ça. Les fables, habilement conçues. On emprunte le nom de Jésus pour mettre ça au bout et dire « Jésus a dit ». La plupart des gens ne vont pas les vérifier. Dans les églises baptistes, ça peut être la même chose aussi. Là. Quelqu'un peut dire « Dieu a dit », la parole de Dieu dit, puis si tu ne vas pas vérifier, tu ne sais pas. Tu ne sais pas vraiment si la parole de Dieu a vraiment dit ça. Donc, il y a une certaine façon de vérifier autant que possible que ce que la parole de Dieu dit, c'est vraiment ça. La parole... J'appelle ça la parole incarnée de Dieu. L'apôtre Jean a dit ceci. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et touché de nos propres mains, concernant la parole de vie, la vie et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Donc, nous avons vu, nous avons touché, nous avons entendu ce qu'il lui a dit. Et nous vous le disons. C'était tellement important que les premiers témoins avaient vu et entendu eux-mêmes. C'est pour ça que Luc va dire à Théophile, j'étais cherché auprès des témoins oculaires ce qui a été dit. Donc, c'est important qu'il y ait ça. Donc, c'est vraiment une. Et tout au long du Nouveau Testament, à différentes reprises, ils vont ramener cette pensée-là. Nous avons entendu, nous avons vu. Jésus a dit ça. Donc, c'est pour ça qu'il pouvait. Et l'apôtre Paul, qui a. On ne sait pas s'il avait vu Jésus pendant qu'il était à Jérusalem, ou on ne sait pas s'il l'a vu avant qu'il lui apparaisse le chemin de Damas. On ne sait pas, la Bible ne nous dit pas. Mais on essaie une chose de certaine. C'est après que Paul s'est converti, c'est après qu'il l'ait vu, ce chemin de Damas, Jésus lui a apparu à différentes reprises pour l'instruire. Et il va dire dans Galates, « Ce que je vous annonce, je ne l'ai pas reçu des hommes, mais de Jésus lui-même. » Voyez-vous comment c'est important? Je n'ai pas entendu ça de quelqu'un. Là. Jésus me l'a enseigné directement à moi. Et c'est pour ça que maintenant je vous l'enseigne. Donc c'est important de toujours vérifier ou d'être capable de vérifier ou d'être conscient que la personne qui va nous instruire va prendre son enseignement dans les Écritures pour qu'on puisse dire si je veux affermir quelqu'un, ça doit venir de la parole incarnée qui était Jésus lui-même. Deuxième, verset 19. Verset 19. Et nous tenons, pour d'autant plus certaines, les paroles prophétiques à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. J'appelle ça la parole révélée ou les prophéties. La prophétie, c'était pas la parole incarnée, mais c'était la parole révélée. Des prophéties avaient été faites. Et donc, il y avait l'Ancien Testament qui était une partie des paroles prophétiques. On appelle ça les prophètes. Mm-hmm. Donc, une grande partie, il dit, ce que nous vous avons dit, c'est des choses qui ont été révélées. Des choses qu'on ne pouvait pas savoir autrement. Pour que ce soit une parole révélée, il faut que ce soit quelque chose qu'on ne peut pas savoir autrement. Si Dieu ne l'aurait pas révélé, on ne pourrait pas savoir. C'est une chose, si Dieu n'avait pas révélé à Adam et Ève comment le monde a commencé, à Moïse, comment le monde a commencé, on ne le saurait pas. Lui, parce qu'il n'y avait pas personne là avant. Il a créé le monde, parce qu'il a créé l'homme et la femme à la fin. Fait que s'il n'avait pas dit comment il avait fait, il ne l'aurait pas su. Il aurait dit, il s'est réveillé dans un monde là, puis il n'aurait pas su comment ça se passait. Ils ont su. Et Moïse a eu une certaine révélation, parce que quand lui a écrit, bon, qu'est-ce qui avait été transmis de père en fils, on ne sait pas. Il y a certaines choses qu'il a su, qu'on voit qu'il dit, que ça vient directement de Dieu. Donc, une révélation. Et ça, c'est ce qu'il appelle ici les prophéties. Et donc, il y a eu des prophéties, de fait. Donc, à partir de ces prophéties-là, on peut affermir les gens. Dans les Actes des Apôtres, c'est marqué ceci. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Dans les Actes des Apôtres, constamment, on faisait référence à l'Ancien Testament. Parce qu'il n'y avait pas de Nouveau Testament. C'est pas encore fait. Donc, pour mettre du poids sur ce qu'il disait, il allait chercher ce que les prophètes avaient dit, ce que l'Ancien Testament parlait, puis il disait, beaucoup ont parlé de ce que Jésus devait faire, voilà, Jésus l'a fait. Ce que Jésus a fait, ce n'est pas quelque chose qu'il a inventé, c'est quelque chose qui avait été prophétisé. Donc, il faisait référence aux prophéties de l'Ancien Testament. Il va dire dans Actes 3, 24, « Tous les prophètes ont successivement parlé depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là. » Donc, il dit, « Ce qui arrive présentement a été prophétisé par tous les prophètes jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à temps que Jésus était venu. » Donc, allait chercher la parole révélée. La parole incarnée, mais aussi la parole révélée. Dans Actes 7, 42, c'est marqué, « Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. » C'est pas comme moi, je dis que Dieu n'habite pas là. C'est que le prophète a dit. Le prophète a parlé de la part de Dieu. Donc, Dieu a dit. par le prophète. Si je peux dire ben les affaires, mais si ça ne vient pas du prophète, lui, de ce temps-là, lui, ou de l'Ancien Testament, comment est-ce qu'il a su, lui? C'est parce qu'il a su par l'Ancien Testament. Et il y a une autre place qui dit dans Actes 8, 34, l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Le prophète parle de qui? De Jésus, du Messie qui s'en vient. Donc, ce que l'eunuque lisait, Philippe a pu dire, Dieu a dit, ou le prophète a dit, là, il a expliqué. Donc, il a affermi l'eunuque. Il a affermi l'eunuque. Donc, l'eunuque est devenu ferme, bien entendu, puisque probablement qu'il est devenu un croyant du Nouveau Testament à ce moment-là. Et de quoi il s'est servi? De ce que le prophète avait dit. Parce que l'eunuque lisait Isaïe parce qu'il croyait que c'était la parole de Dieu. S'il avait lu un autre livre de Confucius, Philippe aurait dit, mais ça de côté, là, on va prendre ce que l'Ancien Testament a dit. Donc, il y avait la même pensée. Dans Actes 11, c'est marqué, en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem en Antioche. Là, on arrive dans le Nouveau Testament. Il y a eu des prophètes dans le Nouveau Testament aussi. Il y a eu des prophètes, et Jean, l'apôtre, était un prophète de la part de Dieu, parce qu'il a prédit l'avenir aussi, par rapport à l'Apocalypse. Donc, il y a des prophéties faites dans le Nouveau Testament. Il y a une partie des prophéties qui n'ont pas été encore accomplies. Jésus va accomplir à sa deuxième venue. Les prophéties que Daniel a dit, que Joël a dit, que Isaïe a parlé, et que les prophètes ont parlé, qui n'ont pas encore été accomplies, qui vont s'accomplir à la fin des temps. Donc, on pourrait nous parler de l'avenir en disant, le prophète a dit, les prophètes ont dit, les prophètes de l'Ancien et les prophètes du Nouveau Testament ont dit. Ce que nous on dit, ça n'a pas de force, à moins que ça soit faisant partie de la parole révélée. La parole révélée, on l'a aujourd'hui dans les Écritures. Moi, je crois personnellement qu'il n'y a plus de révélation. Je ne crois plus qu'il y a des révélations aujourd'hui. Parce que Dieu a dit tout ce qu'il y avait à nous. Je crois que ça. Je crois que ce qu'on a à savoir, on le sait. Parce que s'il y a de la parole révélée encore, il y en a qui ne l'ont pas eu, puis il faudrait que je leur transmette à toute l'Église, à tout le peuple de Dieu, cette parole révélée-là. Parce que dans ce passage ici, dans ce qu'on tentait de lire, ce que les apôtres font référence, ils font référence aux prophéties faites au peuple de Dieu. Et c'est pas une prophétie qui m'était faite à moi pour savoir quelle maison acheter. Là. Ça n'a rien à voir avec ça. Là. Okay? Ça ne fortifie pas, ça affermit pas. Ici, on parle de ce que Dieu a parlé, a dit à son peuple. Et les prophètes du Nouveau Testament se sont adressés non pas à des individus, mais à l'Église. Oui, à travers des individus, mais ils s'adressaient à l'Église. Les prophéties de la Bible s'adressent toujours à l'Église, au peuple de Dieu, et non pas à des individus dans le peuple. La révélation n'était jamais pour révéler des événements personnels, mais des choses pour l'Église dans son ensemble, de tous les temps. Une fois, quelqu'un m'a dit, Dieu m'a révélé ça. Je dis, tu veux-tu qu'on écrive ça dans un autre livre au bout de l'Apocalypse? Ça a-tu la même puissance que la révélation du Nouveau Testament? Il n'était pas prêt à dire ça, là. Parce que c'est la même force. Je pourrais écrire ça, mettre ça dans un livre, coller ça au bout de la Bible, et dire, voici, Dieu a révélé ça. Ça a la même force. Mais qui va se lever aujourd'hui et dire, ce que moi je vous dis, c'est la même force que ce que les Écritures disent? Waouh, moi je ne suis pas prêt à dire ça non plus. J'ai déjà brûlé des sermons, j'avais prêché. Qui s'est dit qu'il faut faire attention. Là. Et je peux expliquer les Écritures, mais ce que j'explique n'a pas la force des Écritures. La force des Écritures. Il y a des témoins de Jéhovah qui viennent. Ils disent, François, tu ne crées pas aux Écritures? Je dis, oui. Quand tu lis le verset, je le crois. C'est quand tu m'as expliqué que je m'as douté de ce que tu dis. Et quand tu lis le verset, je le crois. C'est ça que la Bible dit. Je le crois. Mais dans ton interprétation, maintenant que tu donnes, là, je peux prendre le choix de croire ou de ne pas croire ce que tu interprètes. Okay? Mais quand c'est marqué là, dans les Écritures. Donc, c'est vraiment une importance que le prophète parlait de la part de Dieu. Vous savez la définition d'un prophète? Le mot, c'est quelqu'un qui se tient en deux personnes. C'est un porte-parole, dans le fond. Dieu parlait au prophète, le prophète se levait de bord et disait au peuple. C'est un intermédiaire. C'est une espèce d'intermédiaire. Comme Jésus, c'était le prophète. Mm-hmm. Okay? Le prophète. Donc, il était celui qui se tenait entre Dieu et les hommes. Mm-hmm. Et le prophète, dans le Saint-Sémain, faisait la même chose. Dieu révélait à un homme, puis l'homme se levait de bord et disait au peuple de Dieu. Il était l'intermédiaire entre les deux. Donc c'est vraiment, et là, dans l'Ancien Testament, il y avait toutes sortes de façons d'éprouver les prophètes. Vous savez ça comme moi, hein? Dans l'Ancien Testament, si tu faisais attention à ce que tu disais, parce que tu ne pouvais pas dire « Dieu a dit ». Si tu n'étais pas certain que Dieu l'avait dit. Et que tu l'avais bien entendu. Si tu n'as pas un rêve que tu avais fait dans la nuit, tu n'as quelque part pour rien. Parce que tu vas te faire lapider demain matin. Si tu avais dit « Dieu a dit », puis ça n'arrivait pas, tu mourrais. Puis dans cette semaine, il y a un passage qui même laisse comprendre que Dieu a permis des faux prophètes en Israël pour éprouver les cœurs des gens. Pour les cœurs des gens. Et il dit, ils vous ont dit des choses qui contredisaient ce que j'avais dit. Et vous avez suivi ces gens-là. Ça révélait juste le cœur de ces gens-là, tout simplement. Et c'est un peu la même, un peu la même, difficile à comprendre pour nous autres, il faut accepter. Autant que moi, j'avais de la misère à comprendre pourquoi Dieu avait laissé Satan entrer dans le paradis pour tenter Adam et Ève. J'ai dit, pourquoi tu n'as pas fermé la porte au nez et tu ne rentres pas là. Tu ne tenteras pas Adam et Ève, tu ne rentres pas. Pourtant, il était là dans le paradis. Le diable. Bon, on peut aller tout dans nos explications. Mais il y a des gens qui rentrent. L'apôtre Paul, il dit une place, tu sais, il faut qu'il y ait des sectes parmi vous, afin que ceux qui soient approuvés soient manifestes. Dans 1 Corinthiens 11, il dit, il faut qu'il y ait des sectes parmi vous. Des gens qui vont se lever et qui vont partir avec des gens qui ne sont pas des croyants. Ils vont séduire les gens, ils vont partir avec. Et il faut qu'il y en ait, l'apôtre Paul dit. Donc, c'est juste des gens qui vont être éprouvés. Une fois, mon frère, dans la chair, il avait fait profession une fois, puis il me voit, François, non, je ne crée pas ça. Non, je ne crée plus ça. Je suis bien content que tu en aies rendu compte avant de crever. Au moins, maintenant, tu sais que tu ne l'es pas. T'imagines-tu, tu seras mort hier, pensais que tu étais un chrétien, tu ne l'étais pas. C'était bien pire. Donc, ces sectes-là, ce qui ça fait ressortir des gens qui n'ont pas le cœur attaché à Dieu, qui sont attachés plutôt à une église, à une personne, à des parents qui viennent à l'église, à des frères, à un mari, à une femme, à des gens qui suivent une autre personne, au lieu d'être attachés à Jésus-Christ lui-même. Et ça, on en connaît tous, on en connaît à travers toute l'histoire des églises, des gens qui sont venus par milliers dans les églises, qui sont partis par milliers aussi dans les églises, et qui se proclament par un chrétien pendant un temps, puis après un certain temps, ils abandonnent tout, ils ne veulent rien savoir, ils ne s'occupent plus de Dieu, ils ne s'occupent plus de rien, ils font ce qu'ils veulent. Donc, c'est des gens qui n'ont sont pas attachés à Jésus-Christ, mais plutôt à des gens, ou à des hommes, ou à des fables habilement conçus. Jacques Marcoux nous disait à un moment donné qu'il avait été dans une... quand c'est sa fille, son garçon, je ne sais pas qui était malade là, dans sa famille. Tu sais, quand on est poigné, là, tu sais, que Jacques Marcoux a dit ça parce qu'il l'a dit en public. Il dit, j'ai prêché... contre le divorce longtemps, jusqu'à temps que ma fille a divorcé. Là, il faut que je m'assise à la table, puis je dis, non, je réétudie mes affaires. Tu sais, quand tu as des événements qui sont dans ta vie, à un moment donné, tu remets en question. Mm-hmm. Et lui, il est arrivé à un moment donné, puis par rapport au miracle, il est arrivé quelque chose dans sa famille, quelque chose de malade, je ne me souviens pas quoi, qui était malade. Finalement, il s'est ramassé dans une église où il faisait des miracles. C'est quand tu es pogné, là, c'est là que les épreuves vont venir éprouver ta foi. Tu n'as peut-être entendu parler de Johnny Erickson, qui était une chrétienne, puis d'un coup, elle tombe quadriplégique. Elle a fait toutes les églises évangéliques, puis passées l'imaginable et non évangéliques pour se faire guérir. Finalement, elle a compris que ce n'était pas le mec que ça marchait. Mais Dieu merci qu'elle était déjà croyante, puis elle restait attachée finalement à Dieu. Mais si elle n'avait pas été croyante, vraiment attachée à Dieu, elle a vraiment démissionné, partie. Donc, c'est vraiment faire attention de. Il y a la parole incarnée, Jésus-Christ, ce qu'il dit pendant qu'il était sur la terre. Il y a les paroles aussi prophétiques, les paroles révélées. Et là, on va voir, au verset 20-21, les paroles inspirées. Donc, inspirées. Verset 20. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Là, on appelle ça la parole inspirée. Okay? Donc, c'est les trois formes de les trois sources, on pourrait dire, parole incarnée, parole révélée, parole inspirée. Donc, les gens qui ont pris les prophéties, il faut que Dieu les inspire pour qu'ils écrivent les prophéties qu'ils avaient entendues. Parce qu'entre les deux, il aurait pu y avoir un mélange. Vous vous souvenez que Paul, il dit une place qu'il a écrit trois lettres aux Corinthiens. Et combien en avons-nous dans le Nouveau Testament? Seulement deux. La troisième, elle n'est pas là. Dieu a décidé qu'elle n'est pas là. Pour une raison quelconque, je ne sais pas. Mais on ne l'a pas, nous autres. Et peut-être que Paul en a écrit des dizaines d'autres lettres à d'autres mondes qu'on ne sait même pas, nous autres. Mais Dieu, ce n'était pas son idée, parce qu'il ne les a pas inspirés. Quand Dieu inspirait les auteurs, c'est parce qu'il voulait que ce soit dans les Écritures. Il voulait que ce soit là, écrit, pour le peuple de Dieu. C'est pas qu'il va dire ailleurs, ce n'est pas... Paul va dire dans le Corinthien, c'est pas le Seigneur qui l'a dit, c'est moi qui l'ai écrit, c'est moi qui vous l'enseigne. C'était pas moi. Là, il dit, je ne l'ai pas entendu de mes oreilles, mais je vous écris. Je suis dirigé par le Saint-Esprit aussi. Donc, il y avait maintenant de l'inspiration. On n'est pas sûr à quel point il était conscient d'être inspiré. Comme Luc, quand il écrit à Théophile, était-il conscient qu'il était inspiré, que cet écrit-là deviendrait la Bible? On n'a pas d'écrit là-dessus pour nous confirmer ça. Quand Paul écrivait à Timothée, il l'a dit, passez-vous là entre églises, il disait ça, mais était-il conscient que c'était l'inspiration de Dieu qui était là? Parce que ce n'est pas Paul qui a décidé que ses écrits faisaient partie du Nouveau Testament. C'est plus tard l'Église qui a décidé, qu'on appelle ça le canon de l'Église, le canon du Nouveau Testament. C'est l'Église un peu plus tard qui a éliminé certains livres puis qui a gardé certains livres. Il y avait tout un paquet de critères pour faire ça. Ils ont enlevé certains livres, comme il y a des apocalypses de Paul. Donc, pour faire qu'ils n'ont pas mis celle-là dedans. Ils ont eu des façons de faire des choses pour les enlever. Et donc, c'était. Je ne dis pas que c'est Paul qui avait écrit cet apocalypse-là, là, mais c'était intitulé Apocalypse de Paul. Donc, des fois, on n'est pas conscient. Des années à peu près à 60 après Jésus, 60, 65, il y a des multitudes de gens qui ont écrit par rapport à Jésus. Mais il y avait tout un fouillis, là. Mais fouillis qu'on sache garder ça. C'est pour ça que c'était des hommes qui avaient vu Jésus, qui avaient entendu Jésus de leurs propres yeux, de leurs propres oreilles. Ils avaient parlé, comme Paul. Paul l'a fait d'une façon spéciale, mais il l'a fait. Donc, c'est vraiment important qu'on comprenne ça. Il y a eu de l'inspiration à amener à certains hommes pour écrire les lettres du Nouveau Testament, ou les lettres de l'Ancien Testament, ou les livres de l'Ancien Testament. C'est pas pour rien qu'on appelle ça la parole de Dieu. C'est pas la parole des hommes. Et c'est seulement maintenant, nous, qui vivons ce côté-ci, après la croix, après que tous les témoins oculaires sont morts, tout ce qui nous reste, la parole incarnée est encore là? Ben non. On aimerait bien que ce soit là Jésus, mais puis là. Es-tu la nouvelle révélation? Ben non. Tout ce qu'on a, ce qui nous reste maintenant, c'est la parole inspirée. C'est tout ce qu'on a. Je crois qu'on a assez, là. C'est tout ce qu'on a. On a le Saint-Esprit aussi, qui est venu habiter en nous. Mais là, cet esprit-là va nous aider à comprendre ce que lui a inspiré à des hommes. Une fois, je parlais avec un homme qui était dans une autre église. Non, une femme dans une autre église. Et ce que tu es en train de me dire va contraire à ce que cet esprit a inspiré d'écrire. J'ai montré un passage de la Bible. Je dis, regarde, ce que tu viens de nous dire, ce que tu vis dans ton église, va contraire à ce verset-là, ici, de ce passage-là, des Écritures. Est-ce que cet esprit est en train maintenant de conduire l'église contrairement à ce que lui a inspiré? Ça serait illogique. Il a dit à travers les apôtres, faites pas ça. Vous autres, vous le faites, vous dites, c'est Saint-Esprit qui nous dirige. Le Saint-Esprit a dit le contraire. J'ai dit, t'es pas conduit par cet esprit-là. Dieu ne change pas les choses. Parce que tu vas contraire à ce que le Saint-Esprit lui-même a inspiré. Mais tu ne peux pas me dire, mais le Saint-Esprit va me diriger autrement. J'espère que si je me leverais dimanche matin, je vous dirais, le Saint-Esprit m'a parlé en fin de semaine, puis il m'a dit des choses, puis là, ça va contraire à ce que la Bible a dit. Mais François, ouais, tu as été inspiré de je ne sais pas qui, mais ce n'était pas Saint-Esprit. Vous avez bien raison. Le Saint-Esprit ne peut pas, c'est marqué, on ne peut pas en faire une interprétation particulière, on ne peut pas donner des affaires. Ça se tient tout, ça se tient ensemble, cette affaire-là. La meilleure façon de savoir si mon interprétation est bonne, une des façons, pas la seule unique façon, mais une des façons, c'est est-ce que la Bible me contredit ailleurs? Si la Bible me contredit, je suis certain que je me suis trompé dans un des deux passages que j'interprète. J'ai dit, la Bible a dit blanc ici, elle ne peut pas dire noir là pour la même chose. Fait que soit j'ai mal compris là, ou j'ai mal compris ici, mais les deux devraient être blancs. Les deux devraient être blancs. Comme la Trinité, qui n'est pas parlée dans l'Ancien Testament, en tout cas les Juifs ne l'ont pas vu. Les apôtres ne l'avaient pas vu. Mais on voit que ce qui est écrit dans le Nouveau Testament ne contredit pas ce que l'Ancien Testament avait dit. Ce qu'elle n'avait pas dit ne dit pas que c'était pas là. Elle l'a juste pas dit. Mais ça ne contredit pas. Et on voit dans cette semaine, quand on la révélation du Nouveau Testament, quand on la connaît, on la voit qui est là en nuance dans l'Ancien Testament. On parle de l'ange de l'Éternel, Dieu a parlé par son ange, Dieu, par son messager. Puis, des fois, on ne sait plus. Le messager, c'est un ange, c'est Dieu, on ne sait plus à un moment donné parce que ça vient mélanger, parce que ce n'est pas clair. Ça n'a pas été révélé encore de cette façon-là. Donc, la Trinité est là dans l'Ancien Testament, mais on ne la voit pas aussi clairement comme on voudrait la voir. Mais on appelle ça en théologie la révélation progressive. Dieu a révélé de façon progressive des vérités. Il a dit, il a parlé de la maison, il a parlé du sol, puis un peu plus loin, il a parlé de la première étage, puis un peu plus loin, il parle de la troisième étage. Puis finalement, il parle de toute la maison, mais ça ne se contredit pas parce qu'il parle toujours de la même maison. Mais ceux qui ont lu la première, il y avait juste la première étage. Ils n'ont jamais su la dernière étage. Une grande partie des chrétiens sont morts sans jamais avoir lu l'Apocalypse. La première génération n'a pas lu parce que Jean était 60 ans plus tard, presque quasiment écrit dans l'Évangile. Donc une grande partie des apôtres, la totalité des apôtres était mort. Puis une grande partie des chrétiens de la première génération étaient toutes morts. Donc ils n'ont pas eu l'Apocalypse comme tel. Donc c'est dans ce sens-là qu'il y a des... comme ceux qui avaient... David avait seulement qu'une partie de l'Ancien Testament, les Deutéronomes, dans sa vie. Il n'y avait pas tous les prophètes. C'était écrit à son allure. Il était mort, puis il y avait d'autres prophètes en année de lui qui sont venus. Donc il n'y avait pas toute la révélation que nous, on a. Nous, on est privilégiés dans ce certain sens parce qu'on a toute la révélation devant nous autres. Donc on peut la comprendre mieux. Donc, c'est cette connaissance-là qui vient de cette parole incarnée, de cette parole révélée, de cette parole inspirée, qui va nous fortifier. Il n'y a pas d'autre. On peut être bien un peu comme dans le Nouveau Testament. On dit que Paul, Apollos était très ferré, mais il ne savait pas tout. Il fallut qu'il soit pris à part par un couple de chrétiens qui lui a parlé, puis il a dit des choses plus exactes par rapport à Jésus. Un homme très éloquent, il en savait beaucoup, mais il ne savait pas tout. Il lui en donner un petit peu plus pour qu'il puisse prêcher plus exactement, plus précisément les Écritures ou la personne de Jésus ou l'Évangile. Donc, c'est pour ça que le jeune croyant, quand il va parler, il va dire ce qu'il sait. Il ne peut pas dire ce qu'il ne sait pas. Donc, on est mieux de dire « je ne sais pas » que d'essayer de répondre puis de dire des conneries. Je ne l'ai pas appris. Je me souviens toujours d'une femme que j'ai travaillé avec à la sœur. Elle disait, elle venait de se divorcer, puis elle s'est convertie quelques semaines après. Puis là, elle m'a demandé, mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport au mariage pour divorce, pour un mariage? Ben, il dit, faudrait que tu prennes le temps de lire le Nouveau Testament. Elle dit, j'ai pas deux ans, moi, là. Maintenant, je veux la réponse maintenant. Je veux savoir maintenant qu'est-ce que je dois faire. J'ai dit, ben, je vais te résumer ça. Il dit, en t'en allant, que tu lises les Écritures, tu vas t'apercevoir si ce que j'ai dit est correct ou pas correct. Mm-hmm. Mais elle voulait avoir une réponse maintenant. Mm-hmm. C'est vrai, on sait bien. Elle ne peut pas commencer à étudier toutes les Écritures pour prendre sa décision dans 6 mois quand il faut qu'elle prenne des décisions maintenant par rapport à sa vie. Mm-hmm. Donc, ce qu'on va se fier en partie à des gens qui sont autour de nous, qui connaissent les Écritures. Mm-hmm. Et mais ça arrive qu'en s'en allant, en vieillissant de notre foi, vous et moi, on va remettre en question ce qu'on a entendu. C'est correct. Vos enfants, ils disent « Oui, maman, oui, papa, oui, maman, oui, papa. » 12 ans, un peu moins vite. 14 ans, un peu moins vite. À 16 ans, ils vont dire « Tu as le côté de m'entrer. » Ils vont devenir assez vieux pour prendre des voies claires dans certains domaines. Puis ils vont dire « Non, il a fait des erreurs dans ce domaine-là. C'est pas tout à fait vrai ce que tu as dit là. » Puis ils vont avoir raison dans bien des domaines aussi. Mais dans d'autres domaines, ils n'auront pas raison. Et c'est correct. Ça fait partie de le fait qu'ils grandissent. Et quand nos enfants nous remettent en question, on devrait être content. Pas toujours content, mais on devrait être content parce que ça veut dire qu'ils sont rendus à la place, ils sont capables d'analyser. Puis l'Église approche comme ça. L'Église a fait ça aussi, ces stages-là. L'Église du Québec a fait ça aussi. Nous autres, on est venus de la première génération, là, en général, au Québec, et on a reçu de l'information. Il y a beaucoup d'enseignants qui venaient des États-Unis, de l'Europe. On a reçu de l'information. Et 10, 15, 20 ans après, on a remis en question certains enseignements qu'ils nous ont dit. Puis là, on a fait la part des choses, en tout cas, qu'on pense, entre ce qui venait de l'homme, ce qui venait de Dieu, ce qui venait de la Bible, ce qui venait de la tradition, de certaines églises. Hein. Parce que nous, l'Église québécoise des années 70 reflétait qu'on était venu au Seigneur à travers les églises anglophones, qui venaient de l'Ontario, qui venaient de partout. Parce qu'ils ont emmené avec eux, sans faire le faire méchamment, ils ont emmené avec eux leur tradition, leur culture, leur façon de voir l'Église, leur structure d'Église, hein, comment ça fonctionnait chez eux, dans leur monde. Et l'Église au Québec est en train, depuis à peu près 10 ans, de devenir une Église chrétienne québécoise, qui va refléter une pensée québécoise. J'espère qu'on va garder... Une génération plus tard. Oui, parce qu'on a peut-être à voir clair, parce que maintenant, c'est nous qui enseignons. C'est plus les anglophones qui nous enseignent, c'est nous qui enseignons maintenant. Donc, on est en train de transmettre les Écritures avec une mentalité québécoise, avec une approche québécoise. On structure nos églises comme des Québécois le feraient. Dans certaines églises anglophones, dans l'Ontario ou dans Vancouver, dans ce coin-là, vous verrez que leur façon de fonctionner est un petit peu différente de nous autres. Hein. Ils trouveraient ça un peu spécial, notre façon de fonctionner le dimanche matin des fois. Ils nous diraient, vous n'êtes pas très respectueux, vous faites des affaires. Il y a de la misère à voir la façon que les chrétiens parlent au pasteur. Parce que pour d'autres pasteurs, c'est encore quelqu'un de spécial, il y a un statut différent des autres chrétiens. Donc, il y aurait de la misère à voir les enfants courir dans l'auditorium où est-ce qu'on va s'asseoir pour prêcher. Les autres, tu ne fais pas ça. Tu ne laisses pas tes enfants courir dans l'auditorium. C'est un lieu saint, entre guillemets. Donc, ils ont leur mentalité. Puis quand ils sont arrivés au Québec, ils ont emmené ça avec eux autres. Là, ils ont emmené leur cravate avec eux autres. Ils ont emmené leur soupe, three-piece soup, comme on dit en anglais. Ils ont emmené les autres. Là, ils voulaient mettre nos cravates, nous autres, à l'église pour baptiser du monde parce que ça faisait partie de leur culture, eux autres. Mais tranquillement, avec les années, on a fait débarquer la cravate. Tu sais, c'était pas dans notre culture à nous de faire ça comme ça, donc on a enlevé une partie des choses. Ça, c'est pas un critère biblique. Mais de la façon qu'ils parlaient, eux autres, c'était devenu quasiment aussi fort que biblique. Vous avez l'exemple avec Hudson Taylor. Hudson Taylor, quand sa mission l'a envoyé en Chine, quand il a décidé de changer son habillement, sa façon de fonctionner, ils l'ont disqualifié. Ils l'ont rejeté comme missionnaire. Faisaient plus les choses comme eux faisaient les choses. Donc, c'est pas juste, c'est pas nouveau en Ontario, au Québec, dans les années 50. Là. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Et souvent, quand on suit notre cours en théologie missionnaire, l'enseignant dit, il répète souvent, transmettez les Écritures, transmettez pas votre culture. Transmettez les Écritures, ne transmettez pas votre culture. Il nous répète ça. Souvent. Parce que c'est très difficile de transmettre les Écritures sans transmettre notre culture. On a tendance à faire ça. Parce que nous, on le fait de même. Mais des fois, on a de la misère à séparer les deux et dire, oui, nous, on le fait comme ça ici, mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de le faire de même. C'est pour ça que vous allez voir des photos. Monsieur, est-ce que ça veut dire qu'il venait chez nous, un missionnaire est en Afrique? Weimer. Il amenait des photos de l'Afrique. Les photos qu'il avait amenées, il y avait lui qui était là, un missionnaire américain, avec sa belle cravate, sa belle chemise blanche et la cravate. Puis là, les Africains convertis avaient des chemises blanches avec des cravates. Il avait amené sa culture en Afrique. C'est pour ça qu'ils ont eu tant de misère à amener l'Évangile pendant longtemps. Parce qu'ils amenaient leur culture et l'imposaient, sans s'en rendre compte, ils l'imposaient aux gens. Et nous, il faut faire la même chose, il faut faire attention de transmettre les Écritures, et ne pas transmettre notre culture. Et nos enfants, qui vont prendre la relève de l'Église au Québec, ne feront pas les choses comme nous. Et ça va nous causer des brûlements d'estomac, je vous garantis. Ça va le faire, parce qu'ils vont faire ça autrement que nous. J'étais dans une église, là, de 150, 200 personnes que j'étais allé, que j'allais d'habitude, là j'étais allé l'automne passé, 30%. Parce que les vieux n'ont pas été capables de laisser les jeunes prendre la relève. Les jeunes, je parle des gens de 30-40 ans. Là. Les autres étaient 65, 70, 75 ans. Là. Pas capables de laisser les autres prêcher l'Évangile avec une autre culture, avec une autre façon de faire les choses. Une autre sorte de musique, une autre sorte de façon de prêcher, une autre sorte de bâtiment à avoir. Hein. On n'a pas besoin d'avoir des bains dans un auditorium, on peut faire ça dans un gymnase, c'est pas grave. C'est une autre culture. Mais l'important, c'est est-ce qu'ils prêchent l'Évangile. C'est ce qui est important. On a de la misère. Les conflits de génération, vous avez entendu à TV, là? Les boomers avec les X et les Y, là, vous avez entendu ça, là? Voilà! En tout cas, c'est... Baby boomers, c'est nous autres, ceux qui sont nés entre 45 et 60, les années 60, 45 à 60. Nos générations, après, ils appellent les générations X. Ça, c'est vous autres. Toi, t'es en bas de... T'es-tu passé 60? Après 60? Avant 60? Fait que t'étais un boomers, X. X, chiale les boomers. Puis les Y, chiale les X. Et tout le monde chiale tout le monde, finalement. Parce que ça fait. Là, c'est pas nouveau, là. Ça existe depuis. Moi, déjà, on a chelé nos parents, qui étaient appelés les silencieux. J'ai su cette semaine, je ne savais pas qu'ils appellent la génération des silencieux. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas trouver. Quelqu'un me dit pourquoi qu'ils appellent de même. C'est eux qui ont fait la deux guerres. C'était vraiment des gens comme ça. Nous, on dit parce qu'ils n'argumentaient pas, ils croyaient tout ce qu'on leur disait, peut-être qu'ils étaient des silencieux. C'est ça qu'on appelle ça la révolution tranquille. C'est une suite à ça, je ne sais pas. Mais dans l'Église, ça fait la même affaire. Même affaire dans l'Église. On a les mêmes conflits de génération qui s'installent. Et on ne devrait pas avoir trop de misère. Mais on a de la misère. Une fois, je suis arrivé dans une église à Vancouver. C'est-tu là, Solène, qu'ils se sont levés à un moment donné, puis ils ont se mis à danser en avant? En tout cas, là, j'ai eu à peu près de misère. Une gang de jeunes, ils ont mis de la musique contemporaine un peu plus. Puis là, ils se sont levés 7, 8, 10 jeunes. Ils n'ont pas dit rien, là. Ils ont juste dansé. J'ai dit, ça va. Là, ils ont dit, on va louer le Seigneur. J'avais de la misère à comprendre que la danse pouvait louer le Seigneur, puis comment ça pouvait faire ça. Les pattes d'un air. C'est pas mal en soi, mais de faire ça dans un contexte spirituel, qu'on est en train de louer Dieu, je ne voyais pas le lien. Mm-hmm. J'étais à une église, un ancien pasteur, puis là, il y a une gang de jeunes qui sont levés, des drapeaux, puis de la musique, puis ils sont mis à danser, puis j'ai assez hâte de sortir d'ici. C'est difficile pour nous autres, parce qu'on n'est pas été habitués à ça. Donc, il n'y a pas juste des conflits de personnalité, c'est des conflits aussi de génération, entre les deux. Et dans les Écritures, il faut être capable de dire, ben, je suis capable de dire, ben, hey, tu peux le faire comme tu veux en autant que tu prêches les Écritures. En autant que tu prêches les Écritures. Et nos enfants, la même chose. Dans le civil, la vie chrétienne, selon leur culture, leur génération à eux, mais avec la vérité. C'est ça qui est important. Est-ce que tu me donnes la vérité? Ça ne me dérange pas, tu écoutes ta musique sur iPod, ça ne me fait rien. Tu écoutes la Bible sur iPod, au lieu de la lire dans le papier, mais c'est-tu la Bible? C'est-tu la Bible? C'est important. Donc, c'est ça qu'il faut vérifier le plus et laisser passer la culture différemment. Parce que je suis convaincu, si l'apôtre Paul venait dans les églises le dimanche matin, il serait bien surpris comment on fait les choses. On va sortir, il serait bien surpris de voir nos tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Puis, beaucoup de chrétiens ont eu beaucoup de misère avec la question des ordinateurs. Ça a pris du temps avant que l'Église accepte les ordinateurs. On ne voulait pas ça. Non, ça c'est du monde, puis c'est pas pour ça des églises, ces affaires-là. Puis, c'était long avant que l'Église accepte qu'on utilise toute cette technologie-là qui est là maintenant. Mais c'est là maintenant, dans nos églises. Donc il faut faire face à ça. C'est pas bien ou mal. Mon ordinateur envoie. C'est un outil. Ouais. Mais on a de la misère au changement. Vous savez ça, hein? L'être humain a bien de la misère avec les changements. Donc, si on peut nous aider, si on veut se fortifier, il faut aller chercher de la connaissance dans les Écritures. On n'a pas le choix. On ne peut pas être plus fort que ce qu'on sait. Vous avez compris ça? Vous ne pouvez pas être plus fort que ce que vous savez. Et si vous n'en savez pas beaucoup, vous n'êtes pas plus fort que ça. On ne peut pas dire que je suis un chrétien très ferme dans ma foi, puisque j'ai très peu de connaissances. Non. Tu peux être un très bon baptiste, ça n'a peut-être rien à voir avec ça. Mais ça ne te fera pas de toi quelqu'un de ferme dans la foi. Et c'est pour ça qu'il faut transmettre les Écritures, il faut transmettre les Écritures, il faut transmettre les Écritures, il faut transmettre de différentes façons, mais il faut les transmettre. Et ceux qui ont reçu de Dieu les capacités de transmettre doivent le faire. Et ceux qui ont, sont des gens qui doivent apprendre, doivent choisir des méthodes d'apprentissage, comme ils croient qu'ils sont capables d'apprendre. Cette semaine, il y a un des professeurs qui nous a enseigné. J'ai dit au professeur, je dis, ce serait donc bon si on pourrait aller visiter des sœurs. On pourrait voir ce que tu dis. Tu nous dis des choses, on ne voit pas, on ne comprend pas. On ne saisit pas le concept de ce que tu dis parce qu'on ne l'a jamais vu. Donc, il y avait certains d'entre nous qui auraient aimé voir. Et finalement, ils nous ont mis dans les sœurs de l'école. On a vu une certaine forme de sœurs. C'est des sœurs très high-tech. C'est les sœurs les plus adaptes quasiment qu'il n'y a pas au Québec. Là. Mm-hmm. Ça a coûté 7,5 millions faire ça, cette affaire-là. C'est tout assez high-tech. Là. Mm-hmm. Mais j'aimerais en avoir d'autres sortes, d'autres façons pour comprendre ce qui se passe dans ces... Donc, il y a différentes façons d'apprendre et qui, pour certaines personnes, c'est pas important d'aller voir. Je l'ai lu, c'est assez. Donc, il faut choisir notre forme d'apprentissage. Donc, c'est important. Donc, ça peut nous aider à nous affermir et à affermir nos enfants, ceux qui nous écoutent, nos enfants spirituels, nos enfants aussi chez nous, et d'être capable de faire la différence quand on parle à nos enfants, de dire « ça, c'est né de Dieu ». Ça, c'est mieux de moi. Et c'est correct. C'est correct de dire c'est mieux de moi. C'est correct de dire que même si ça vient de moi, c'est comme ça qu'on va fonctionner chez nous. Mais il faut faire la différence entre les deux. Pour que l'enfant voit, ou le jeune chrétien voit la différence. Ici, on fait le repas du Seigneur à tous les dimanches. Mais ce n'est pas une obligation des Écritures. Ici, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais si toi, tu ne veux pas fonctionner comme ça, ben, il y a d'autres façons de faire. Mais il y a des façons. Une fois, il y a un chrétien qui me dit, vous faites ça trop souvent. Il y a une autre église, pas ici, mais une autre église. Mais j'ai dit, mon cher frère, c'est facile, prends-les pas quand ils passent. Si toi, tu penses que c'est trop, prends-les pas. Pourquoi t'empêcher tout le monde de le prendre? Et donc, il y en a un qui m'avait dit, François devrait prendre du pain sans levain. Pas de problème, on va mettre les deux sortes dans le poêle, dans l'assiette. Ça ne me dérange pas. Il a dit, on devrait prendre du vin. Pas de problème, on va en mettre les deux sortes dedans. Il ne voulait pas, il voulait qu'on mette juste du vin. Comment tu sais, il ne voulait pas qu'on mette les deux. Non, tu vas mettre les deux. Non, ça mange juste. Tu dis, tu veux nous forcer. Tu nous accuses, toi, de faire ça. Toi, tu veux faire le contraste de l'autre bord. C'est pas mieux que nous autres. Hein? Mm-hmm. Mais nous, ça ne me dérangerait pas de mettre du jus de raisin, du vin, du pain sans levain, du pain du levain, du pain brun, du pain blanc. M'en fous-tu, tu sais, moi. Mm-hmm. C'est pas comme ça, il faut voir ça. C'est pas ça l'absolu. Mm-hmm. Donc, il faut faire attention. D'être capable de. Faire la part des choses. Parce que si on veut affermir, il y a juste la parole de Dieu qui affermit. Le restant, ça ne l'affermit pas. Notre Père du ciel, nous te remercions de ton enseignement. Nous te remercions que cette parole éternelle s'est incarnée et est venue dire un paquet de choses qu'on ne savait pas. Jésus a dit bien des choses, a fait comprendre bien des choses. Et on te remercie d'avoir, par ton Esprit Saint, inspiré des hommes pour nous laisser ta parole. Nous avouons bien simplement que nous avons besoin d'être affermis, peu importe où est-ce que nous sommes rendus. Nous avons besoin d'être affermis. Donne-nous la grâce, Seigneur, chacun de nous, de passer du temps dans l'apprentissage des Écritures. L'apprentissage de cette parole, afin d'être ferme et de faire face à l'ennemi, faire face à tous ces courants de pensée, tous ces enseignements qui nous entourent jour et nuit presque, et qu'on soit capable de dire non, ça ne vient pas de Dieu, oui, ça vient de Dieu, et marcher avec cela. Conduis-nous, car nous te prions au nom de Jésus. Amen. Vous avez quelques requêtes de prière que vous aimeriez qu'on prenne le temps de prier ensemble? Suite à ma nièce Valérie.